Bonjour. Bon, je fais pas beaucoup de vidéos ces temps-ci. Puis, chose qui m'est pas arrivée depuis des années, j'ai eu une petite grippe. Donc, une petite baisse d'énergie. Bon, il y a un moment donné, j'ai pas fait de live un samedi parce que c'est une journée où des employés de maison étaient censés venir. Puis finalement, ils sont pas venus. Puis finalement, bon, ça a été remis le samedi d'après, donc j'ai pas pu faire mon live encore. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais là, je sais pas si je vais en faire un samedi prochain. Mais je verrai. Ça dépend comment ça donne. Demain, j'ai un entretien avec David Lévesque. Donc, je viendrai mettre le lien. Bon, pour le reste, les choses qui se passent en ce moment. Bon, les agendas de déconstruction de la famille qui avaient été commencés quand j'étais enfant se poursuivent. Puis là, ces temps-ci, c'est la mode de taper sur les drag queens. Mais ben franchement, j'en vois pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt parce que je vois vraiment ça comme une diversion. Puis en plus, au niveau de la psychologie inversée, ce que ça va faire, c'est qu'au fond, ça va crédibiliser ces agendas-là. Ça va tout le temps être récupéré. Tout le temps être récupéré, puis on le voit d'ailleurs, ça a plus ou moins bien marché. Moi, ça me tentait pas de taper sur des drag queens parce que, bon, je trouve pas ça intéressant vraiment. Puis, je pense que plus on tape dessus, puis plus ça va aider au niveau d'une psychologie inversée, c'est-à-dire que, ben, à mes yeux, ça reste de la diversion. C'est une façon de détourner l'énergie des gens. C'est aux gens de ne pas se laisser faire au sens, eux en tant qu'individus, de ne pas se laisser avoir par certaines idéologies qui sont mises de l'avant, puis de ne pas embarquer, là, d'aller se battre contre. Bon, ils vont le faire de toute façon, je veux dire. De tout ce qui a été mis de l'avant dans les 3 dernières décennies, est-ce qu'ils ont reculé sur quoi que ce soit? Est-ce que toutes les stratégies employées, est-ce que ça, il y en a une qui n'a pas fonctionné? On l'a, le résultat, ça marche tout le temps. Prenez par exemple, bon, l'affaire, le troisième lien, abandonné par la CRAQ. Ben, personnellement, j'étais ni surpris ni déçu, étant donné que j'y ai jamais cru. J'ai jamais cru à ça. C'était des promesses pour rendre plausible l'élection, la réélection de la CRAQ. C'était une promesse comme ça. C'est des stratégies par rapport à la psychologie de masse pour se faire élire ou bien pour rendre plausible une élection, tout simplement. Mais j'ai jamais cru à ça. Pourquoi? Parce que la CRAQ, qui est une espèce d'arnaque, on nous présente la CRAQ comme un parti nationaliste de centre-droite, alors que c'est un parti nationaliste d'exécutants. Donc, c'est évident qu'elle n'allait pas accomplir un projet comme celui-là. La seule raison pourquoi on met de l'avant un projet comme celui-là, c'est parce que c'est vendeur au niveau de certains électeurs, notamment les gens de droite de la région de Québec. Donc, bon, ça a très bien fonctionné. La preuve, c'est que les gens ont été assez naïfs pour y croire. J'ai jamais cru à ça. C'est évident que c'était pas dans leurs intentions. La CRAQ, là, François Legros, puis sa gang de petits exécutants, ils vont tout le temps aller dans le sens du mondialisme tout le temps. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont tout le temps fait. Puis c'est ça. Puis bon, prenez aujourd'hui dans la politique de nos jours, quand on prend quelqu'un de racisé ou une femme, souvent ça va être pour lui faire faire de la sale job. Donc, quand c'était le temps de la pandémie, ben là, Guilbeault était à sécurité publique parce qu'il faisait faire de la sale job. Le seul fait qu'il l'ait transféré après au transport, ça voulait dire que de la sale job s'en venait puis que ça allait passer mieux avec elle. Tout simplement. Quand on prend une dame, là, souvent, en tout cas, surtout elle, là, habituellement, ils font faire de la sale job. Puis c'est ça qu'elle fait. Donc, bon. Là, c'est comme là, leur troisième lien pour le transport en commun, j'y crois pas plus. J'y crois pas plus. Ils savent très bien que dans le futur, il va y avoir encore un. Moi, je pense que c'est pas fini, là, la purgation. C'est-à-dire, ils ont fait des petites purges de la population jusqu'à un certain point. Il y a un certain remplacement, si on peut appeler ça comme ça. Je pense que c'est pas fini. Je pense que c'est pas fini. Ça va se poursuivre. Il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Il y a d'autres affaires qui s'en viennent, puis ça se fera pas plus, là. ils auront pas besoin de le faire parce que la situation dans le futur, au niveau démographique et puis des besoins, entre guillemets, de la population, va être encore. Mais ils savent, hein? La situation va être très différente dans 10-15 ans de maintenant. Donc, pourquoi qu'ils feraient un troisième lien pour du transport en commun alors qu'ils n'en auront peut-être pas besoin, dépendamment de ce qui est réellement prévu? Donc, c'est encore de la poudre aux yeux, puis c'est encore des menteries. C'est carrément c'est de la psychologie de masse, c'est de la manipulation. Puis j'y crois pas 2 secondes. Donc, bon, c'est dommage pour les gens qui ont cru, mais les gens vont tout le temps y croire. Il va tout le temps avoir une majorité de gens qui y croient, qui embarquent. C'est pour ça que je me débat pas contre rien, puis que j'ai aucun espoir de changer quoi que ce soit. Là, c'était la mode de tapocher sur les drag queens. Moi, j'aime pas ça, m'en prendre plus petit que moi. Surtout que je considère que c'est réellement une façon de détourner l'énergie d'une partie de la population, puis il va continuer à aller de l'avant pareil, l'agenda de déconstruction de la famille. Donc, bon, j'ai décidé de tapocher sur le bouddhisme. Puis je le fais pas parce que je pense changer quelque chose, je le fais parce que c'est un exercice pour la forme. C'est pour la forme. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il faut pas croire tout ce qu'on essaie de nous faire avaler. Il y a encore possibilité de se faire une situation et de vivre très bien. Dans 15 ans, il va encore avoir une bourgeoisie, là. Vous savez, les croyances mises de l'avant par ce qu'on pourrait appeler l'idéologie de gauche, qui est dans le fond une forme de spiritualité athée. C'est la même chose que le bouddhisme, c'est-à-dire c'est un grand véhicule, c'est bon pour la masse, puis ça conduit à l'appauvrissement. C'est à l'individu de pas embarquer dans ces systèmes de croyances-là. Donc, c'est là qu'il va se faire le tri, à savoir dans 10-15 ans, quelle va être la situation d'un individu. Est-ce qu'il va avoir un mode de vie acceptable ou est-ce qu'il va faire partie de la masse d'esclaves? Mais c'est maintenant que ça se décide. Puis tout ça, c'est une question de paradigme. C'est-à-dire que est-ce que vous prenez pour du cash tout ce qu'on vous dit? C'est-à-dire que si vous regardez les courroies de transmission, de manipulation de masse, que sont les médias, la télévision, ces choses-là, si vous croyez tout ce qu'ils disent, si vous prenez tout pour du cash, vous êtes fait. Il se fait là le tri. Quand j'étais enfant, puis que on nous parlait le trou dans la couche d'ozone, puis les puits acides, puis mon petit doigt ne disait pas trop avoir peur de ces choses-là. Puis je me suis pas trompé. Puis par après, à l'école, quand là c'était l'agenda de déconstruction de la famille qui était commencé déjà au niveau de l'instruction publique, l'école publique, puis que là il y avait ce qu'ils appelaient dans le temps les FPS, le cours de formation professionnelle et sociale, puis qu'on essayait de nous rentrer dans la tête toutes sortes d'affaires qu'aujourd'hui c'est couramment admis, j'y croyais pas, puis j'ai pas embarqué non plus. Tout simplement. Regardez les petits exécutants. Regardez les gens, par exemple, comme, bon, là, Éric Kerr avait mis son siège en jeu, puis ça se peut qu'il y croyait, parce qu'au fond, c'est un exécutant, il est peut-être pas au courant de tout le plan, là. Donc, ça se peut qu'il était sincère, mais là, il peut pas démissionner. C'est lui qui est en charge de l'identité numérique, puis ces choses-là. C'est un petit professeur d'école publique. On n'a pas affaire à des gens extraordinaires, là. Ce sont des petits exécutants de basse extraction. Qui y a à la télévision, qui on nous vend pour, comme au niveau de leurs opinions politiques, puis des affaires de même. Je voyais l'autre jour, c'est quoi la télévision, là, le monde à l'envers. Puis là, dans les chroniqueurs qu'il y a tout le temps là, bon, il y a Sophie Durocher, Martineau, puis l'autre, là, Buzz, là. Au Biz, je me rappelle plus trop, l'espèce de rappeur là, qui se met une tuque sur la tête en été à 50 ans. C'est ça qu'on nous vend. C'est des gens comme ça qui viennent nous donner leur idéologie politique, leur opinion politique. Ça vaut quoi, ça, là, Buzz, là? Ça vaut ce que ça vaut. Il est là, qu'il en soit conscient ou pas, pour faire un job. Prenez, regardez, il y a l'oiseau moqueur qui en a parlé dernièrement, la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Richard Desjardins. Richard Desjardins, il veut faire fermer la fonderie Horn. Mais la fonderie Horn, c'est ça qui fait vivre Rouyn-Noranda. Mais là, oh, c'est parce que la fonderie Horn, ça pollue. Moi, je pense que les propriétaires de la fonderie Horn, ils veulent la réouvrir dans le tiers-monde. Puis c'est Richard Desjardins qui fait la job pour l'opinion publique, pour la faire fermer. Mais s'il la réouvre au Mexique ou ailleurs, elle va polluer pareil, la fonderie Horn. Sauf que la région de Rouyn-Noranda, il n'y aura plus les emplois qu'il y a, puis ça va appauvrir la population. C'est ça qui fait vivre la ville. Mais ça, les gens, ils pensent pas à ça, ils le voient pas. Ils le voient pas, ils voient juste ça. Il y a un artiste, là, Richard Desjardins, le grand Richard Desjardins, le poète. Hein? Ça vaut quoi l'opinion de ces gens-là? C'est des exécutants, qu'ils en soient conscients ou pas, qui sont là pour conditionner la population, créer l'acceptabilité sociale, le consentement, pour que ça passe mieux. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que les propriétaires, les cadres, ont décidé de la fermer pour la réouvrir au tiers-monde. C'est aussi simple que ça. Puis, en la fermant, ça va appauvrir la classe moyenne de Rouyn-Noranda. Aussi bien fermer la ville, là, il n'y a rien d'autre à Rouyn. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais Rouyn-Noranda, ben, c'est un endroit très à gauche, très progressiste. La mairesse de Montréal vient de là. Prenez ce qui s'est passé, là, la crise du verglas, là. La crise du verglas qu'il y avait eu un peu avant les années 2000, il y a le journaliste Lester, Norman Lester, qui avait fait un livre sur ça, qui avait appelé Verglas, où il laissait sous-entendre que peut-être qu'il y avait des technologies liées au climat par rapport à ça, puis tout, puis c'est après ça il y a eu un petit ennui de santé, puis depuis ce temps-là, on dirait qu'il a complètement retourné sa veste. Mais la crise du verglas qu'il y a eu dernièrement, puis là, c'était pas au mois de janvier, là, c'était au printemps. Ben, elle serait surtout consécutive au fait qu'à Montréal, l'émondage n'a pas été fait comme il faut au niveau des arbres, le long des rues. Ah, eh bien, donc, ça serait. Moi, je vois pas des changements climatiques là-dedans. Je vois des changements au niveau de l'administration des villes. Il y a de moins en moins d'entretien, comme il faut. Pourtant, les villes sont de plus en plus endettées. C'est mal administré, tout simplement. On blâme les changements climatiques. Pourquoi planter de gros feuillus larges le long des rues, premièrement? On pourrait mettre des conifères. En tout cas. En tout cas, ah, moi, si c'était juste de moi, là, ça serait des épinettes noires le long de toutes les rues. Toutes les rues de toute la province. Il y en a qui trouveraient ça moins beau, mais ça coûterait moins cher d'entretien. C'est comme la ville où je suis, là, chaque année, là, ils font des feux d'artifice, puis le lendemain, on trouve plein d'oiseaux morts de crise cardiaque. Moi, je couperais ça, les budgets de feux d'artifice, il n'y en aurait plus. C'est fini, là. C'est comme toutes les annuelles, là, dans des bacs à fleurs, puis ça lui tente pas de prendre des vivaces. Puis même les vivaces qu'ils ont, ils les jettent à chaque année. Puis en remettent d'autres. C'est incroyable comment nous sommes mal administrés. Puis je considère que c'est voulu comme ça. Que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral. Puis même si on s'en rend compte, même, je veux dire, on va tout le temps être en minorité. On va tout le temps être en minorité. Donc, il faut aller vers le mur. Il faut aller droit dans le mur. Il faut la vivre, la catastrophe. Parce qu'au niveau collectif, il y a juste par l'intégration de l'expérimental qu'il peut y avoir une évolution. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, au niveau collectif, puis au niveau de la masse, ils souffrent pas à peu près pour qu'on avance. Mais là, en attendant, l'individu, lui, qui a une certaine lucidité, qui se rend compte de tout ça, lui, il faut pas qu'il tombe dans le piège d'avoir le moral à terre. Il faut garder le moral pareil, puis considérer que, bon, on va tout le temps jusqu'à un certain point, il y a toujours possibilité de s'en sortir pareil, puis quelqu'un qui sait tirer son épingle du jeu va toujours avoir la capacité quand même de se créer une situation, puis de bien vivre quand même. Mais comme je vous dis, c'est où ça se décide au niveau du discernement de l'individu, c'est toujours dans le présent que le futur se détermine. Donc, oui, plus tard, il va y avoir une majorité de masse d'esclaves appauvris, puis le niveau de vie va être pire qu'il est maintenant, c'est l'évidence même. Est-ce qu'on est obligé de faire partie de ça? Ça, j'en suis pas certain. J'en suis pas certain. C'est une question de paradigme, de vue. Donc, il n'y a pas de quoi paniquer, là. Puis, ça va continuer, on va continuer à être gouverné par des petits exécutants de basse extraction. Ben oui. La CAQ, c'est pas moi qui l'ai inventée, là. Prenez, là, qui se font passer, là, pour un gouvernement, là, nationaliste de centre-droite, là, puis pendant la pandémie, c'était les plus sectaires du pays, comme gouvernement provincial. C'est ici qu'il y avait les mesures les plus sévères, puis c'est ici que les bilans sont les plus catastrophiques. Ben non, c'est des exécutants, c'est un gouvernement mondialiste d'exécutants, avec des petits cadres, des petits exécutants. Comme M. Legault, M. Kerr, M. Drainville, Mme Guilbeault. Donc ces gens-là, on ne s'en débarrassera pas comme ça, parce qu'il y a une majorité de gens qui y croient. C'est comme l'affaire du troisième lien, il y a une majorité de gens qui ont réellement cru qu'ils avaient l'intention de faire ça. Si le but de la CRAC, c'était qu'il y ait un troisième lien, il aurait pensé d'une façon plus ergonomique, plus simple, puis il aurait, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire tout simplement un pont. Puis il serait déjà en construction. Dans deux mandats, il y aurait eu le temps, là, d'entamer tout ça. Ben non, on va faire des études de faisabilité, d'impact de ci, puis de ça, puis blablabla. Le but, c'est juste de débloquer des budgets, donner des contrats aux amis, des amis, des amis. Ça a tout le temps été comme ça dans cette province-là. Regardez les chemins dehors. Ça n'a pas changé depuis le temps d'Honoré Mercier, là, les scandales des chemins de fer, puis ces affaires-là. Les infrastructures servent à prendre l'argent public, puis à envoyer ça dans les amis des amis, dans le privé, puis à faire des contrats, puis c'est tout. Les infrastructures ne servent pas à desservir des services à la population, elles servent à presser la population comme des citrons pour les garder dans de l'esclavage. C'était évident qu'en changeant l'instruction publique pour l'éducation nationale, c'est-à-dire dans le fond de créer le ministère de l'éducation, puis ces choses-là, c'était évident qu'on allait aboutir à des gens moins bien instruits. Là, ils veulent changer les participes passés. Regardez les Twitter de François Legault lui-même, il a bien de la misère avec ses participes passés. Et voilà. Donc, bon. On est gouverné par ce qui nous ressemble et on est conditionné à aller de plus en plus vers ça. C'est pour ça que l'instruction réelle de nos jours, ça va toujours être une instruction en autodidacte. Vous pouvez pas compter sur l'école publique pour instruire vos enfants. Ce que vous pouvez faire, c'est leur donner une éducation de base pour qu'ils aient le discernement, le sens critique, puis la capacité de s'instruire par eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas compter sur les institutions d'aucune façon. L'école publique est là pour garder les gens dans l'ignorance, comme les services d'information publique. L'hôpital est là. Pensez que l'hôpital est là pour nous garder en santé? Ben non, c'est encore des structures qui servent à prendre de l'argent public, puis à l'envoyer dans des poches des amis, des amis, des amis, par des contrats, puis des ci, puis des ça. Le Québec, c'est un des endroits les plus corrompus de toute l'Amérique du Nord. Puis, on peut même pas parler de corruption au sens où on l'entend habituellement, tellement c'est normal, c'est normalisé et institutionnalisé. Puis pourquoi tout ça fonctionne très bien? Bien, parce que l'être humain est un animal social. Puis il veut croire. Il veut croire. Et son instinct de préservation fait qu'il a besoin d'espoir. Donc il voit ce qui l'arrange. Puis bon, le paradigme dans lequel je suis, je sais très bien que la moyenne du monde qui tout d'un coup se mettrait à voir les choses comme ça, ce serait insupportable. Puis même quand par la force des choses, les gens sont obligés, parce qu'ils sont forcés de réaliser que les choses sont pas comme ils voudraient, ben là, moralement, ils ont de la misère. Donc, ils tombent dans la drogue, ils tombent dans l'alcool, ils se font mettre sur antidépresseurs. Qui voudrait voir tout ça à froid, tout en restant de bonne humeur? Ça prend des décennies d'accoutumance et d'endurcissement pour venir à bout d'endurer tout ça, sans faire une dépression, sans être malheureux. Hein? Mais une fois qu'on a la lucidité de voir que ça donnera rien, ça donnera rien de déchirer sa chemise. Parce que pour un qui déchire sa chemise, il y en a 100 000 qui la gardent, puis qui rationalisent, puis qui considèrent que oh, c'est pas, ça peut pas être aussi pire, puis ben bon. Donc ça donne rien. C'est un peu comme se plaindre que ça va mal. Ça empêche pas d'aller mal. Même ça rajoute du négatif. Mais il y en a, ils vont tomber dans la polarité contraire, puis ils veulent être dans le positif, dans la pensée positive. Ben là, le réveil risque d'être brutal. Être polarisé, ça se paye par. Si vous vous maintenez dans la polarité positive, ben ça se paye par le négatif, tôt ou tard. Il faut faire face au réel. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé pendant des années. La dépolarisation du mental, de pas polariser, d'être ni positif ni négatif, faut être réaliste, puis de comprendre que tout ça, c'est technique, puis que la survie de l'individu, elle est technique, ça va être technique. Le tri implacable qui s'opère de plus en plus, c'est de la mécanique, ça. Puis, c'est des lois qui s'exercent en se foutant de toute morale au sens où, psychologiquement, on voudrait y croire. Le réel a une politique du fait accompli. C'est pas parce que vous avez des bonnes intentions, puis que vous avez bon cœur, puis que vous êtes gentil, que vous n'allez pas vous prendre le mur en pleine face. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, bon. Désolé. Bon, je vois pas quoi dire d'autre. J'ai un entretien demain avec David Lévesque. Quand ce sera fait, je viendrai faire une petite vidéo puis je mettrai le lien. En attendant, l'affaire, c'est pas de pas être désespéré parce que ça donne rien. Ça donnera rien. Ben non. Je pense qu'il y a possibilité de tirer son épingle du jeu. Malheureusement, cette espèce de dépolarisation-là, puis bon, d'intégration du réel-là, elle se fait par une certaine froideur. Oui, je le sais. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit dernièrement, il dit, oh, là, ça, c'est de la façon dont tu parles, puis c'est pas toujours plaisant. Quoi, je suis pas là pour être plaisant. Si vous voulez des affaires plaisantes, là, ben là, je le sais pas, moi, faites-vous installer le câble, écoutez Canal Vie. Hein? C'est pas le but d'être plaisant. Je m'en fous d'être plaisant ou d'être déplaisant ou d'être plaisant ou peu importe là. C'est pas ça le mandat de ce que je fais là, là. En tout cas. Donc oui, c'est vrai, je fais moins de vidéos dernièrement. Mais je fais d'autres choses. Je fais d'autres choses, j'ai d'autres affaires à faire, d'autres choses à voir. Puis, ben franchement, je n'avais pas grand-chose à dire. Je suis passé de quelqu'un qui parlait de conscience, puis qui parlait de certaines choses, pour finalement être quelqu'un qui finit par faire comme d'autres YouTubeurs, puis à parler de l'actualité. Bon, mais c'était pas nécessairement ça le but que j'avais au départ, mais ça peut servir. Ça peut servir parce que là, on passe de la théorie à une espèce de mise en pratique en temps réel. C'est un petit peu ça, là. Donc, bon, il y a d'autres choses que je voulais dire, mais c'est parti, hein? Il n'y a aucune préparation, hein, dans ce que je fais. Bonne journée.